ennemis t'attaqueront en vain. Rome doit être un jour la maîtresse du monde. Rome doit être un jour la maîtresse. Défenseurs soient nommés ce jour même sur le grand choix que Rome attend de vous. Je vous promets des dieux l'assistance.